4.2 Oral Comprehension Phase 1 To learn French, we're going to invent a story. What kind of story? Here are a few options. Look at pictures 1 through 4 and repeat the phrases you hear. Oh. Ça va être un roman d'amour. Deux. Ça va être un roman d'aventure. Trois. Ça va être un roman policier. Quatre. Ça va être un roman de science-fiction. Let's go on. For our story, we will choose a young man, a young American. Look at pictures 5 through 8 and repeat the phrases you hear. Cinq. Le jeune homme est américain. Six. Le jeune homme arrive à l'aéroport. Sept. Il passe la douane. 8. Il va prendre un taxi. 2. Look at pictures 1 through 8. You will hear phrases identified by the letters A through H. Write the letter of each phrase under the picture to which it corresponds. Example. You hear. A. Ça va être un roman d'aventure. You write A under picture 2. B. Le jeune homme arrive à l'aéroport. C. Il va prendre un taxi. D. Ça va être un roman d'amour. E. Le jeune homme est américain. F. Il passe la douane. G. Ça va être un roman de science-fiction. H. Ça va être un roman policier.